deje yako, fofo pe deje yako, marmona yako, ikota pe deje yako, pe deje yako, fofo pe deje yako, marmona yako, ikota pe deje yako. Seulement que le gars m'avait demandé, mais il était KO de moi. Quand tu le vois même, tu sais qu'il vient de loin. C'est pas vos gars façon là, hein. Oh non. Demain il vient me chercher, on sort. C'est vous, oh. Nous on est là, on vous regarde seulement. Mademoiselle Yako, tu comptes en PDG Yako. Mademoiselle Yako, tu comptes en PDG Yako. Mademoiselle Yako, tu comptes en PDG Yako. Mademoiselle Yako. Yako, Mademoiselle Yako, tu comptes en PDG Yako.